Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler du sens de la vie. Saint Justin, qui a vécu de l'an 100 à l'an 165. À ma naissance terrestre, j'étais un enfant de la nécessité et de l'ignorance. Il y a des gens qui ont déjà trouvé leur place dans le monde, mais qui ne sont pas satisfaits du tout intérieurement. Ils sont mal dans leur peau, ils ont un vide dans le cœur, ils sont conscients qu'il leur manque quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. S'il se trouve quelqu'un dans cette situation qui m'écoute, eh bien je vais vous le dire ce qui vous manque. C'est Dieu qui vous appelle. C'est parce que vous avez des besoins spirituels à combler. C'est votre âme qui veut un but. Lisez les évangiles. Étudiez-les en vous attendant à ce que l'Esprit de Jésus vous parle au cœur. Après un bout de temps, vous allez vous retrouver devant un choix. Est-ce que je deviens un disciple de Jésus-Christ, oui ou non? Tous les poissons savent reconnaître l'eau quand ils y tombent, et tous les hommes savent reconnaître le bonheur quand ils tombent en Dieu. Moi qui prononce ces paroles, et vous qui les entendez, pourquoi sommes-nous en ce monde? Pour faire fortune? Pour jouir des aises et des plaisirs de la vie? Nullement, mes amis. Notre unique raison d'être est de reconnaître enfin Dieu comme notre Père, apprendre à le connaître, faire sa volonté sur la terre et découvrir tous les bonheurs qu'il y a à lui ressembler. Jean-Nicolas Groux a écrit « La carrière de l'intérieur s'étend à l'infini ». Vous avez peut-être fait carrière dans le monde, mais il y a une carrière à l'intérieur de vous qui s'étend à l'infini, auquel vous n'avez pas touché encore et qui s'ouvre devant vous. Vivre de foi et de confiance dans le monde et mourir en paix dans ses bras pour se réveiller dans son cœur. Voilà le vrai but de la vie en Dieu. Rien n'a de sens dans notre vie que ce qui nous oriente vers cette fin. Tout ce qui nous éloigne de ce but n'est qu'illusion, fausseté, mensonge et ruine. Jésus a dit à ses disciples « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Si vous avez été touché par ce message, je vous invite à fermer les yeux et à faire cette prière avec moi. Mon Dieu, je reconnais ne pas avoir trouvé le chemin de la vie. Je me suis égaré en tant de choses et en tant de faux chemins. Aujourd'hui, j'accepte le Christ comme Sauveur et Seigneur. Je veux devenir son disciple et recevoir de lui l'Esprit Saint qui m'en donnera la force et le courage. Je veux persévérer et atteindre la résurrection d'entre les morts que tu as promise à ceux qui t'aiment. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Je vous invite à visiter mon site cequelabibleenseigne.net et à vous procurer mon livre « Comprendre la souffrance et découvrir le sens de la vie ». Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.